Allez, un gros bisou, je t'embrasse. Bisous, ciao. Grouille. Ah, j'ai peur. Je fais trop fort. Après, tout le monde va partir, donc faut que tu le fasses maintenant. Mais j'ai... Tu me dis quand tu vas commencer, moi je me sauve parce que j'ai peur. J'ai rien dit à Alice. Bon, tu te dépêches ou pas? Il y a encore des... Mais on s'en fout. Maman, il est 8h01. Attends. Alors, bonsoir à tous. En apprenant le décès du chanteur Christophe, nous avions envie de lui faire honneur en diffusant une de ses chansons qui a bercé pour ma part mon adolescence. Alors, il s'agit de la chanson Aline, que sûrement certains connaissent et d'autres pourront découvrir. Alors, si vous êtes musicien ou chanteur, n'hésitez pas à l'accompagner de votre fenêtre, de votre balcon ou de vos jardins fleuris. N'oublions pas, bien sûr, tous les soignants que chaque jour, qui chaque jour sauvent des vies, bien sûr. Merci encore à eux. Je vais presser play et je vous souhaite bonne écoute. Je reviendrai après. Sur le sable, son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié, et Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, et oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, et oh, j'avais trop de peine. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Merci, merci. Alors, si ce moment vous a plu, nous vous proposons de nous retrouver tous les mardis à 20h01 pour chanter ou jouer ensemble un morceau de votre choix. Donc, n'hésitez pas à proclamer vos idées, où que vous soyez, pour laisser le temps à chacun de répéter dans son salon. Alors, les chanteurs, les musiciens en herbe ou professionnels du quartier, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, je ne sais pas si déjà il y a des idées pour mardi prochain. Bon, c'est pas grave, hein. C'était un peu à la volée. Alors je vous propose un chanteur français, alors c'est surtout pour nos petits jeunes, il s'appelle Aldebert, alors peut-être vos enfants le connaissent, et donc voilà, ma fille a choisi La machine à remonter le temps. Alors je vous propose de regarder sur internet ce morceau, La machine à remonter le temps, d'imprimer les paroles, et on se retrouve si vous voulez mardi prochain à 20h01 pour chanter. Et donc voilà, merci pour ce moment partagé ensemble. On sait que c'est pas facile, donc c'est sympa un peu de musique. Donc bon entendeur, bonne soirée à tous. Merci. Et voilà. Bonsoir à tous. Je sais pas. Elle m'a fait coucou, Rachel. Ah, elle était là. J'ai vu quelqu'un faire coucou, je pense que c'est. Ah, c'est cool. Bah voilà.